Ce que je veux, c'est que tu viens à moi, sans raison. Ce que je veux, c'est que tu viens à moi, sans que je te demande. Parce que ce serait le premier temps. Ce que je veux, c'est que tu viens à moi, je te demande. Ce que je veux, c'est que tu te me donnes, sans raison. Ce que je veux, c'est que tu te me donnes, sans que je te demande. Parce que ce serait le premier temps. Ce que je veux, c'est que tu te me donnes, sans que je te demande. Yeah.